supérieur, je suis le dernier des branleurs. J'ai bien appris à défiler le jour du 14 juillet. Conquistador des deux pôles, issu d'un très très vieux babouin, qui font péter tous les atolls sans se soucier du lendemain. Jean-Marie, le mot sapien est bien trop con quand il mugit pour la patrie. On veut masser sous la bannière, la reine est pleine de désespoir. Quand résonne le chant de guerre, les gros bourrins oublient l'histoire. Des hommes, des gueules, des durs et puis des clones, perdus en trouvant les gambandes dans la froideur du no man's land. Des crânes rasés pour la Lali, ils sont Mein Kampf pour alibi. Des vieux fachos bourrés de crocs s'en vont gauler mon Rubicon. D'une race sadomaso, ils sont les derniers des oraux qui vivent en secte comme des agneaux pour les taulards et du canon. Des vieux ringards tous Conquistador de Paul, issu d'un très très vieux babouin, qui font péter tous les atolls